petit savoir faire la mabé, manger une boire. Bon, mon son non, moi faire, c'est moi jamais vieille pété, j'ai chat. Qui sourit le dit, savoir faire la mabé, manger une boire. Bon, mon son non, moi faire, c'est moi jamais vieille pété, j'ai chat. Je m'en pas de besoin manger ou. Si m'en tout connaît, c'est plaisant, qui pigore, comprendre, c'est tout bon. Qui sourit assez, manger, grain poids bouillon, pas bon dans belle. Ma bouille entre dans yon, qui touille au papier, t'en pour guébé. À la côte de souris, à la côte de souris, toute la journée. À la côte de souris, à la côte de souris, toute la journée. C'est souris, souris d'après manger tout maïa dans nous là. Nous pas gagner colon colon là. Souris d'après manger maïa là dans figure. On peut pas dans rien. Ça dit là. Souris jade.